Chers auditeurs de CKRL, bienvenue. Nous sommes mercredi le 16 novembre 2011. Vous êtes à l'antenne, à l'écoute, pardon, de la fausse patte. Christian Saint-Pierre pour vous guider à travers cette émission. Cette semaine, je fais cavalier seul, en fait, ma collègue habituelle Catherine est en tournage aujourd'hui. J'en ai profité pour monter une émission un peu spéciale parce que moi-même, je reçois des amis présentement qui sont au Québec pour quelques temps. Après avoir vécu plusieurs mois l'année dernière en France, dans la ville de Bordeaux, ils sont de retour pour participer à un festival d'improvisation. D'ailleurs, je me permets de faire un peu la promotion de cet événement-là. À l'UQAR, Université du Québec, à Rimouski, campus de Lévis, cette fin de semaine, c'est la 7e édition du tournoi de Paradoxe, c'est de l'improvisation théâtrale. Et ils sont avec nous présentement. Présentement en studio, c'est la liqueur de Bordeaux. Alors, on a Mathilde, on a Yann, Nicolas, Muriel, Catel et Jérémy. Alors, bonjour à tous, vous allez bien? Ça va bien? Oui, super! OK. Alors, on va faire un spécial. Ils sont plusieurs dans le studio, donc ça va être une gymnastique un petit peu plus particulière que d'habitude. Mais on va faire un tour. Une émission spéciale plutôt Amitié Québec-France. Parce que vous savez, l'équipe vient de Bordeaux et Bordeaux à Québec, on en entend beaucoup parler. Parce que notre maire, Régis Labombe, est extrêmement souvent en voyage chez vous et se sert beaucoup de votre ville comme modèle afin de bâtir une Québec nouvelle. Entre autres, il y a un sujet très chaud dans l'actualité, c'est l'installation d'un tramway à Québec plutôt, et on se sert beaucoup de Bordeaux comme ville phare, comme exemple, et je vais vous questionner à savoir à ce moment-là si vraiment ça joue sur votre quotidien, comment vous vivez au jour le jour dans cette fabuleuse ville. Alors tout d'abord, qui voudrait s'approcher? Voilà. Alors je poserai une question vraiment à Catel. Voilà. Alors, Catel, t'es là? Oui, je suis là. Ah, OK. Catel, comment vas-tu, Catel? Super. Alors, toi, t'habites Bordeaux depuis combien de temps? Depuis maintenant 6 ans. 6 ans, et t'es originaire de? De la Bretagne, des Côtes d'Armor. Des Côtes d'Armor en Bretagne. Très Exactement. Bien. Donc, tu vas être la porte-parole rapidement pour ton équipe. Vous venez de la ville de Bordeaux et explique-nous qui est la liqueur rapidement, s'il te plaît. Alors, la liqueur, c'est une ligue d'improvisation théâtrale amateur qui a été fondée il y a maintenant 6 ans. Merci Yann. Et donc voilà, en fait, aujourd'hui, on est très heureux d'arriver à Québec parce que c'est une ligue qui a été fondée par Pierre Martineau, qui est originaire de Québec et de Montréal, pardon. Et donc voilà, on a reçu déjà des Québécois et aujourd'hui, on est très heureux de les rencontrer sur leur camp. Très bien. Et puis, maintenant, je pose une question à tous. Et la première personne qui peut bien entendre la question, la vision que vous avez du Québec, c'est quoi? Parce que nous, chez nous, ici au Québec, le cliché qu'on a de la vision que vous avez de nous, c'est les caribous, c'est les bûcherons, c'est les Indiens, la neige et tout ça. Et expliquez-nous un peu, là, c'est quelle est la vision que vous avez du Québec? En fait, ça ressemble à l'Amérique comme dans un film américain, sauf que les gens parlent français. En fait, c'est pas la première fois que je suis venu, je pensais que ça allait ressembler à la France, et en fait, pas du tout, du tout. À part la langue, c'est complètement différent, c'est un film américain. T'entends par quoi, film américain, Nicolas? En fait, c'est un peu dur, genre, quand on se balade dans la rue, ouais, l'architecture des villes, les bâtiments, juste les maisons, les appartements, ça fait carrément penser à ce qu'on voit dans les séries télé qui se passent aux États-Unis. Ok. Voilà, les magasins, etc., sauf la langue, quoi. Très bien. Et parle de cette langue-là, est-ce que la langue est vraiment différente de chez... Il y a des différences, évidemment, là, on parle des accents et tout ça, mais c'est quoi que vous remarquez le plus au niveau des différences quand c'est le temps de communiquer avec des Québécois? Qu'est-ce qui vous frappe le plus? Moi, je trouve que le plus frappant quand on parle avec eux, c'est les expressions imagées, quoi. C'est qu'en fait, une fois qu'on a réussi à comprendre, parce que c'est vrai que des fois, finalement, c'est un peu difficile quand même, mais quand on comprend, souvent, il y a plein d'expressions qui sont très imagées, qui finalement sont très parlantes, quoi. Comme si c'était plus une langue bien plus parlée que celle qu'on utilise en France. Plus parler, plus imagé, donc beaucoup plus poétique peut-être, c'est ça? C'est très bien. Ben, c'est de bons compliments, merci beaucoup. Maintenant, qu'est-ce que vous savez là, de la situation du Québec au niveau politique? Parce que souvent, l'identité, nous ici au Québec, on se dit souvent on est le Québec français, on est le Canada français, on est l'Amérique française. Et qu'est-ce que vous savez de notre situation politique, grosso modo? Qu'est-ce qui coule jusqu'en France, là, jusque de l'autre côté de l'Atlantique? Tu veux dire la situation du Québec au sein du Canada? Oui, ouais, c'est ça, exactement. Oui. Parce que bon, on parle de séparation du Québec, on parle de toutes ces situations-là. Qu'est-ce que vous savez de tout ça? Bah, je pense que pour nous, c'est d'ailleurs, on en discutait ce matin avec Marie-Josée, là, chez qui on est hébergé. C'est vrai que c'est un peu flou pour nous de bien maîtriser ce que veut dire en fait la situation politique du Québec au sein du Canada, comment ils sont autonomes ou pas, comment la santé est régulée ou les soins, enfin comment ça se passe à ce niveau-là. C'est vrai que c'est, je pense que pour nous, c'est quand même assez flou. Rien du tout. Rien du tout. Vous avez aucune idée de ça. Après, on est vaguement au courant qu'il y a eu des référendums, je crois qu'il y en a eu deux, sur l'autonomie de Québec par rapport à la Fédération du Canada, mais on ne sait même pas où ça en est maintenant. En fait, ça me paraît très vieux, en fait. Moi, j'ai l'impression que ça fait au moins 10 ans. Je n'ai aucune idée, en fait. Ouais, ça fait 16 ans maintenant que le dernier référendum a eu lieu. Et c'est un sujet qui est toujours d'actualité, qui réussit toujours à rester au-dessus de la mêlée, mais qui, bon, ne soulève plus les passions comme ça a pu être le cas là, dans les années, mettons, 60 et 70, mais aussi au milieu des années 90, parce que la sécession a failli se faire, en fait. On a terminé à 50,6 contre 49,4, je pense, quelque chose du genre au niveau du vote. C'est extrêmement, extrêmement serré. Et c'est vrai que, ouais, on a aussi l'image de Gaulle qui est venu. On sait que ça a eu un impact vachement fort, mais en fait, y a certaines personnes qui peuvent aussi douter de la sincérité complète de son, enfin c'était aussi politique, je veux dire le fait qu'il a politique pour son image en France, disons, de faire ça à ce moment-là. Donc il y a à la fois ce qu'il pensait vraiment et l'impact que ça pouvait avoir pour son image au retour. Donc vous pensez que d'avoir fait ça, d'être sorti à Montréal, de dire « Vive le Québec libre » sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Montréal, c'était plus une question d'image politique? Il y a un mélange. Il y a un mélange. Vous pensez qu'il y avait une sincérité parce que, en fait, ça coïncide aussi, lorsqu'on lit un peu sur De Gaulle, ça coïncide aussi sur une idée de libération de l'Algérie. C'est-à-dire que lui-même avait commencé à pencher du côté que, oui, bon, l'Algérie devrait être libéré ou séparé de la France. Et lorsqu'il est arrivé ici, il dit, mais pourquoi pas, si les peuples veulent s'autodéterminer. En fait, nous, c'est ça qu'on nous enseigne, qu'on nous dit comme idée. Donc, c'est peut-être cette idée-là qu'on voudrait garder et qui ferait peut-être notre affaire, en fait. Sinon, mesdames, messieurs, quoi d'autre sur le Québec? Est-ce qu'on vous enseigne l'histoire du Québec en l'éducation nationale française? Quelle place que ça prend? Est-ce qu'on en parle un petit peu lorsque vous êtes petit à l'école et tout ça? Non, à aucun moment. Pas du tout. Non, c'est vrai qu'on n'aborde jamais la question de l'histoire, mis à part ce que disait Yann sur l'intervention de Gaulle. Mais sinon, à aucun moment. Mais par contre, c'est vrai que je pense qu'on sera tous assez d'accord pour dire, même si nous, il y a des affinités de par le théâtre d'improvisation et l'histoire de la Ligue de la Liqueur. Mais je pense que globalement, il y a quand même une sympathie, il y a quand même quelque chose, il y a une relation, enfin il y a une vision sympathique du Québec, il y a une envie de y aller. Puis je pense qu'il y a quand même beaucoup de Français qui migrent au Québec. Au-delà de la langue, il y a aussi la situation géographique, l'envie de découvrir une nature assez riche, enfin et une façon de vivre qui est très valorisée en France quand même. Il faut ça, je pense qu'on peut pas le négliger. Une façon Après, de vivre. Je pense qu'il y a peut-être aussi beaucoup de clichés justement. Déjà, il y a le truc que tous les Québécois sont gentils. Ah oui. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça fait un peu. Je pense qu'il y a un peu des images d'Épinal aussi du Canada et du Québec. Tous les Québécois sont gentils. Et puis aussi sur la nature, enfin les grands espaces, etc. Enfin, moi, je ne sais plus où j'en sais, mais en se penchant un peu plus dessus, on se perçoit que par exemple au Québec, il y a beaucoup de problèmes avec l'environnement par rapport aux mines, etc. Et c'est complètement l'inverse un peu peut-être de ce qu'on imagine sur ces déforés, ces vierges, l'eau est pure, etc. Et voilà. Donc finalement, pour vous, le Québec, c'est un peu un épisode de Daniel Boone. Je ne sais pas si vous... Davy Crockett. Ouais, c'est un peu ça, c'est Davy Crockett. Ouais. Et l'autre jour, je ne sais plus qui nous disait ça, qu'on était à Montréal. J'envoie des gens aux Unis, si vous allez au Québec, prenez une photo d'un caribou, un truc comme ça. C'était, mais là, on va à Montréal, quoi, c'est la ville, il n'y a pas des gens qui se baladent. comme ça partout. Est-ce que... oui, ben, les caribous sont difficiles à trouver, hein. Les troupeaux sont en diminution très forte, et puis bon, sont pas faciles à dénicher. Il faut aller beaucoup plus au nord et beaucoup plus à l'est. OK, peut-être un dernier tour de table, et puis est-ce que... Qui est à sa première visite au Québec ici, rapidement? Il y a juste Nicolas, je pense, qui est déjà venu au Québec d'abord. OK. C'était quoi vos appréhensions? Qu'est-ce que vous aviez hâte de voir lorsque vous avez appris que vous alliez venir au Québec en novembre? C'est quoi les images que vous aviez? Quelle est la première chose là, que vous aviez envie de voir? Parce que vous parliez de rythme de vie, là, de qualité de vie. Jérémy, tu as abordé ça tout à l'heure, et ça me sonne une cloche sur moi, ça que tu précises un peu qu'est-ce que tu entends par qualité de vie par rapport à ce que vous vivez en France. Parce que nous, le contraire, en France, ce qu'on perçoit de vous, c'est au niveau de la culture générale, au niveau politique et social, on est beaucoup plus impliqué, on est beaucoup plus intéressé. On a l'impression que tout le monde prend part au débat politique, tandis qu'ici, on est beaucoup, on est très, très cynique, on est très, très écœuré de tout ça, on veut même pas en parler. Donc, juste avec les retraites, l'année dernière, lorsque j'ai passé quelques mois, c'était des immenses manifestations, des marches. La SNCF, j'ai souffert moi-même, j'ai dû négocier avec la SNCF et ses fameuses grèves de train. Donc, peut-être qu'on idéalise toujours le voisin. Alors, Jérémy, qu'est-ce que tu entends par qualité de vie au Québec que vous n'avez pas en France? Je pense qu'il y a effectivement des différences assez importantes, mais c'est vrai que culturellement, pour nous, l'engagement, ou enfin en tout cas la volonté de toujours essayer de contredire ou de se rebeller ou de se mettre en grève, c'est, même si c'est aussi un cliché qu'on a sur nous, c'est quand même une réalité. Hein. C'est vrai qu'on est souvent assez critique, que ce soit de droite comme de gauche, au niveau de notre gouvernement. Maintenant, par rapport à l'arrivée au Québec, enfin l'envie de partir et de venir faire un petit voyage ici, je crois que oui, ça représente vraiment les idées que je pouvais m'en faire, même si je m'attendais pas à ce que ce soit, notamment à Montréal, où comme c'est une grande ville, que ce soit aussi tranquille. Il y a quand même, on sent un climat assez serein, assez tranquille. C'est vrai que nous, en France, on a quand même une tendance, je pense quand on est dans les commerces ou des choses comme ça, à s'impatienter rapidement quand on fait la queue à la caisse ou des choses comme ça. Ben, on se rend compte que c'est quand même assez tranquille. Il y a une ambiance assez apaisée, même si on était en ville. Et ça nous fait d'autant plus bizarre quand on entend des personnes qui vivent à Québec nous dire que quand ils vont à Montréal, pour eux, c'est un peu speed, c'est un peu stressant, parce que c'est quand même, c'est calme, même s'il y a des circulations, les voitures ne font pas tellement de bruit, ça klaxonne pas, c'est assez tranquille. Donc à ce niveau-là, c'est agréable de pouvoir se sentir ici, vite, bien. Très bien. Messieurs, dames, on va y aller avec un bloc musical de 3 chansons. Et on va parler de langue française, parce que ce matin, dans l'actualité, le journal Le Soleil, un des quotidiens de Québec, notre bon maire Labeaume, en voyage à Paris, a fait une sortie publique pour dénoncer l'anglicisation de la France. Alors ici, c'est un sujet qui est extrêmement chaud également à Québec. On parle beaucoup de Montréal et de son anglicisation. Et on peut voir que le même phénomène se répercute à Paris. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. On va en discuter. Et puis justement, pourquoi pas, à notre habitude ici à La Fausse Patte, on va y aller peut-être d'une chanson un peu plus engagée. Ça date des années 90, pré-référendaire, juste avant celui de 1995. C'est French Bee, et je me souviens. On va y aller avec du Cœur de Pirate également, car c'est la coqueluche en France pour le Québec présentement. Vous êtes à l'écoute de La Fausse Patte sur CKL 89.1, Christian Saint-Pierre en compagnie de La Liqueur de Bordeaux, 6 Bordelais, avec qui on revient tout de suite après. Assimilation of the French-speaking population. Quebec history. Tu vois comme tout se mêle, les deux cœurs à tes lèvres, je deviens une. chandail de laine. C'est le temps de mettre un chandail d'alpaca. À Québec, nous sommes chanceux. À la boutique Alpaca, 275 rue de la Couronne, nous avons la meilleure sélection de tricots d'alpaca, sûrement au Canada, peut-être au monde. Dans ton famille au Pérou, tu coques les meilleurs chandails, toutes couleurs américaines, dans la meilleure alpaca, pensant toujours aux besoins du Québec. Boutique Alpaca, 275 rue de la Couronne, à 4 rue de la bibliothèque Gabriel-Roy, 418-522-2772. La Tabagie Saint-Jean fait aujourd'hui figure d'institution. Revues, magazines, commodités en tout genre incluant bière, vin, café, choix de viennoiserie et autres sucreries. La Tabagie Saint-Jean, 620 rue Saint-Jean, 418-522-5923 pour les livraisons en semaine. Venez aussi découvrir en exclusivité le système électronique HB Smoke et rendez-vous sur tabagiesaintjean.com. La Tabagie Saint-Jean, connaît le tabac. C'est possible, n'attends plus. Duchesse, lise-toi. Fausse patte sur CKRL 89.1, toujours avec nos amis directement de la formidable ville de Bordeaux en Aquitaine, France. Alors les amis, voilà, comme annoncé en fin de bloc, on va discuter de la sortie de notre bon maire Régis Labeaume qui, dans le journal Le Soleil ce matin, s'inquiète de la langicisation de la France et même se porte à dire que la France devrait faire... acte de leader dans la préservation de la langue française. J'aimerais ça, chers amis, que vous vous exprimiez là-dessus. Parce que moi, je vais lancer le débat. Quand je suis parti passer quelque temps chez vous, ce qui me fascinait, c'est d'entendre tous les mots usuels, surtout au niveau de la technologie, qui, au lieu d'être traduits, réinventés pour la langue française, en fait, comme on le fait nous ici au Québec, parce que la loi 101 nous force à franciser les mots, vous francisez beaucoup les termes, comme par exemple un BlackBerry, on dit que c'est un smartphone, mais en France, on dit un smartphone. Quand vous allez chercher de la restauration rapide, vous dites on va au drive-in et non service au volant. Vous parlez de mail, vous parlez de chat et tout ça. Bon, chez nous, c'est des termes qui sont utilisés, mais on retrouve autant le terme anglophone que le terme francophone. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, entre autres, de cette fameuse anglicisation de la France, particulièrement à Paris, où le maire se choque de voir des enseignes, de gift shop et de choses du genre. Alors, quelle est votre opinion là-dessus, chers amis? Qui veut ouvrir le débat? Nicolas? Moi, ça me fait plutôt rire parce que, en fait, en France, on parle très mal anglais. Et c'est juste des nouveaux mots pour des produits bien particuliers. On est vraiment très, très, très loin en France de plus parler français parce qu'on ne sait rien parler d'autre. Et pourtant, les langues sont enseignées très fortement en France. Je sais que les gens parlent couramment allemand, ils parlent l'anglais, il y a l'espagnol, l'italien, tout ça. Évidemment, la proximité des cultures amène ce genre d'enseignement. Mais tu dis que c'est très récent, en fait. Oui, puis c'est, voilà, c'est vraiment pour des produits très nouveaux, genre les smartphones. Voilà, on n'anglicise pas les, enfin vraiment les mots usuels. C'est quand il y a un nouveau produit qui apparaît, ça peut être amené à être dit en anglais, mais on va pas transformer les mots de la langue courante en mots anglais. Voilà, donc c'est pas ouais. Bon. Ça a aussi un côté très, très fun de... Juste à main. D'utiliser des mots anglais, par exemple, auprès des adolescents, etc. D'avoir des mots anglais pour tout ce qui est outils technologiques, etc. C'est un côté sympa, nouveau, moderne. C'est du marketing, exactement. Donc, et le maire ici, il stipule dans l'article de Valérie Gaudreau, page 3, cahier Actualité du Soleil aujourd'hui. Régis Labeaume, c'est notre maire, dit s'être fait répondre par plusieurs personnes qu'elle voyait une simple forme de snobisme dans l'usage de l'anglais dans l'Hexagone. Vous en pensez quoi de ça? Ben, moi, je trouve que finalement, comme les termes n'ont jamais existé en français, le snobisme, c'est plus de les créer artificiellement et de forcer les gens à les utiliser, alors que la langue, ben, c'est un truc vivant et... De toute façon, toutes les langues se sont toujours inspirées, je pense, dans leur histoire des langues voisines. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que ça va plus vite et que ça vient peut-être de plus loin, ça vient de plus loin à travers le monde, mais c'est comme ça qu'une langue évolue aussi, quoi. Elle récupère des termes venant de l'extérieur et elle les transforme. Et comme disait Nicolas, c'est clair que de toute manière... je pense que les termes qu'on utilise en France, les termes anglais qu'on utilise en France, seuls les Français les comprennent. Puisque quand on arrive et qu'on dit « t'as le Wi-Fi », personne ne comprend. et c'est la Wi-Fi. Ça, voilà, c'est ça. C'est l'Internet sans fil. Ah, ok, d'accord. Alors, pourquoi ne pas utiliser, justement, le terme « Internet sans fil » puisqu'il existe? Moi, je pense qu'en fait, on l'utilise pas. On utilise des mots anglais parce qu'on connaît pas forcément la traduction. C'est un peu, ça révèle un peu une forme d'ignorance, je dirais, au niveau de notre mauvais niveau en anglais. C'est très prôné en France de dire qu'il faut s'améliorer, que l'anglais est la langue internationale. Je pense qu'on a tous à peu près entre 6 et 10 ans d'anglais enseigné à l'école. En ce qui me concerne, j'utilise jamais l'anglais dans ma vie courante et aujourd'hui demander des renseignements en anglais ou tenir une conversation, je pense que ça m'est totalement impossible. Donc le fait d'utiliser des mots tels que iPhone, Wi-Fi, c'est parce qu'en fait, on sait, quoi, moi personnellement, je me suis pas trop posé la question de la traduction et que c'est un terme qui est intégré. C'est peut-être là, en effet, le danger d'utiliser ces termes qui sont intégrés dans la langue française, qu'on n'a même plus intégrés comme des mots étrangers. D'accord. Donc, c'est vraiment une forme de mode, en fait. Est-ce que vous ignorez ces termes-là, est-ce qu'il n'y a pas une forme de paresse là-dessus? Ou même le snobisme ne serait pas justement de dire « Bon, c'est ringard un peu de traduire le truc ». Oui, Yann, je t'écoute là-dessus. Mais après, bon, ça c'est le naturel de chaque Français que tu décris. Politiquement, il n'y a pas une volonté non plus. Il y a l'Académie française, mais il n'y a pas de législation. Enfin, je crois. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de législation là-dessus. Et la seule renouvellement de la langue concrète qu'il y a eu, c'était dans les années 95, où il y a eu une vraie volonté de remplacer mail par mail, etc. C'était tout bon, et ça n'a pas été appliqué par les instituteurs. Et du coup, l'Académie française, elle n'a plus aucun pouvoir aujourd'hui. Et donc, elle cherche pas à faire évoluer la langue française et le législateur non plus. Ok, enfin, mais c'est ce que je crois. Mais ok, finalement, les univers français ne sont pas enseignés dans les écoles en France. Très bien. C'est quoi l'Académie française? Qui peut m'expliquer brièvement ce que c'est? C'est des personnes qui ont de l'expérience et de la sagesse. D'accord. Ils sont et un certain âge. Donc, qui sont les bons conservateurs des origines de la langue française. Mais est-ce qu'ils sont prêts à la... Enfin, ils ont essayé pourtant de la faire évoluer, mais ça n'a pas, je crois... Ah bah oui. Oui, Muriel, vas-y. Ouais, en fait, je trouve que, par exemple, l'Académie française, c'est bien beau, mais ça correspond à aucune réalité dans le quotidien des gens. Donc, si une loi est passée, si l'Académie a planché dessus, d'accord, c'est une chose, mais si quand on achète un ordinateur et que sur l'emballage, c'est marqué « fonctionne en Wi-Fi », personne ne va dire « j'ai l'Internet sans fil ». Pourtant, au Québec, justement, ils ont une loi. Donc, si ça avait existé... ça aurait pu être, ça aurait pu forcer, même si c'est des produits technologiques qui viennent de je ne sais quel pays qui sont au niveau mondial, ça aurait peut-être pu exister s'il y avait une volonté, mais il n'y en a pas eu. Donc finalement, est-ce que la langue française en France est prise pour acquis? Ce que vous me dites par exemple, c'est que vous la parlez de toute façon, vous parlez mal l'anglais, très mal l'anglais. Je suis plus ou moins d'accord, j'ai constaté des gens en France qui avaient un très bon niveau d'anglais, soit dit en passant. Mais bon, est-ce que justement, il n'y a pas... parce que le maire Labeaume ici, il va y avoir un sommet de la francophonie qui va être tenu à Québec au mois de juillet. Et on parle même de faire du premier sujet de discussion... Le rôle de leader de la France dans la préservation de la langue française. Oui, vas-y, Nicolas. Ben, moi, je pense qu'en fait, par rapport, par exemple, au Québec, nous, en France, comme ça s'appelle France et c'est langue française, on est tellement dedans qu'on se le tient pour acquis, on n'y pense même pas. Et le sommet de la francophonie, etc., ça nous passe vraiment au-dessus de la tête. On n'est pas au courant et on ne se tient pas au courant parce que, pour nous, il n'y a pas du tout à y réfléchir. On se sent peut-être pas menacé linguistiquement comme les Québécois. Moi, j'avais parlé avec des Québécois à Montréal qui étaient très concernés par ça, qui à Montréal refusaient de parler en anglais quand on leur parlait en anglais, etc. Et en France, on n'est pas du tout concerné par ça, donc on n'a même pas à se poser la question. Je pense que la grosse différence justement entre le Québec et la France, c'est que le Québec est vraiment bilingue alors que la France l'est pas du tout. Comme le disait Catel tout à l'heure, il y a très peu de Français qui parlent correctement anglais. L'anglais est très très mal enseigné en France. Et nous, on est assez fiers de la langue française. Moi, personnellement, je suis assez fière de la langue française, de sa richesse. De la beauté de la langue française, mais le problème peut-être en France, c'est qu'on devrait peut-être essayer aussi de s'ouvrir sur d'autres langues comme l'anglais, et ça nous pose beaucoup de problèmes à l'international. Dès qu'on sort de France, on est perdu parce qu'on ne sait pas parler anglais. C'est formidable ce que vous dites là, parce que nous, au Québec, c'est le contraire, c'est l'effet contraire, OK? Il y a une croyance dans la population qui, oui, il faut parler anglais, on fait des affaires en anglais, c'est la langue de la communication internationale et tout ça. Mais en même temps, d'un autre côté, il y a un discours qui dit « mais nous sommes menacés », parce que ça a toujours été le cas, en fait. Étant une minorité française dans un bassin formidable en Amérique du Nord, c'est-à-dire qu'on est en haut de l'Amérique latine, en fait, le seul bastion qu'il y a, c'est le Québec qui parle français. Donc, cette espèce de menace nous force peut-être à nous insurger un peu plus contre l'invasion de l'anglais. Et vous, ce que vous me dites, c'est présentement, ce qui sort dans l'article de journal aujourd'hui, c'est la France est trop anglicisée. Et là, vous êtes en train de me dire qu'elle ne l'est pas assez. C'est bien ça? Oui, c'est ça. T'as tout compris. Enfin, elle n'est pas assez, ça ne veut rien dire aussi. Enfin, si tu veux, d'imaginer que les Français puissent parler tous couramment anglais, que ce soit hyper appris. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si ça... ça veut dire vraiment quelque chose. Enfin, si c'est pour imaginer faire du business ou des choses comme ça, à ce moment-là, tu te mets au chinois. Et puis en même temps, nous culturellement, nous à Bordeaux, quoi. Tu fais 300 km à peine, t'es en Espagne. Donc t'as aussi, par exemple, à Bordeaux, des gens qui parlent très bien l'espagnol parce qu'ils y vont régulièrement. On a l'Angleterre aussi qui est très facile d'accès. Donc c'est vrai qu'on peut aussi. Mais bon, c'est. Je pense pas que l'anglais, pour nous, c'est vrai qu'en cours, on a tellement cette gloire d'imaginer que la France, la langue française, Mathilde disait, on est fiers de cette langue. Mais c'est vrai que ça nous a empêchés, je pense aussi, voilà, effectivement, de s'ouvrir à d'autres langues. Je sais pas si c'est si dramatique. Finalement, écoutez, j'ai deux petites questions pour terminer cette table ronde sur la langue française. J'ai ici une photo avec l'article actualité. On relève des commerces à Paris qui ont un titre français. On parle de Souvenir Center, de Rivoli Street, de Gift Shop, de Love Paris et de World Souvenir. Ah, mais tout ça, c'est lié au tourisme. Donc c'est lié parce que t'as des touristes qui y a plein de touristes qui viennent à Paris. Mais si tu vas dans ton supermarché, ce sera supermarché, quoi. Si tu pour ton quotidien de Parisien, t'auras pas de termes qui vont nommer des magasins ou qui vont nommer les choses que tu consommes. Je veux dire, ça c'est vraiment un truc pour touristes. Ouais. Donc je pense que c'est normal que ce soit l'anglais. Effectivement, on en revient à la langue internationale. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je pense que par exemple mes parents, on leur parle de gift, enfin ils savent pas ce que c'est. Hein. Okay. Oui, non, clairement. Puis nous, on n'y va pas dans les gift shops. Voilà. Oui, Yann, tu le prends la parole. Ah, très bien, je poursuis. Je relance là-dessus une anecdote. D'ailleurs, vous habitez, vous parliez de Marie-Josée tout à l'heure, vous habitez chez des amis à moi, Yann et Marie-Josée. Et là, avec Yann, lors de son séjour à Bordeaux, il est venu me voir. C'est peut-être parce qu'on était Québécois, par contre, j'avais jamais pensé à cette option-là. Et on en a parlé tout à l'heure, justement, avec lui. On va dans un supermarché, justement. Et puis, à Bordeaux, un sac d'épicerie, c'est une poche. Ça va? Alors, une poche. Alors, vous voulez une poche? Une poche. Et on comprend pas le. Au bout de deux fois, une poche. Et là, on n'arrive pas à comprendre ce qu'elle veut nous offrir. On est un peu distrait par notre conversation aussi. Et là, finalement, pour qu'on comprenne, elle dit un bag. Ah, parce qu'elle s'est dit, t'es Québécois, tu parles anglais? Vous pensez... Moi, tu vois, qui suis parisien d'origine, je comprends toujours pas ce mot poche. Hein. J'ai même regardé dans le dictionnaire, il n'existe pas pour déterminer un sac plastique. Donc, quand moi je vais dans un magasin, non, je demande un sachet ou un sac plastique. Mais poche, ouais, c'est vrai qu'il y a... Non, mais après, t'as des mots comme ça. Non, mais ça, c'est très local. Mais une poche, pardon, une poche, un bag. Et là, ça nous a offusqué tous les deux, évidemment. Étant deux gars québécois fiers, francophones. Et là, ça nous a un peu. On n'a pas pensé au fait, justement, ironiquement, que nous, qu'on se défend pour. On se défend très fort de parler français. Et là, que parce qu'on est Québécois, on nous offre un mot en anglais. OK, donc la vision que vous avez des Québécois, c'est qu'on parle les deux langues. Ah oui. Oui. D'accord. Est-ce que les Québécois sont d'abord francophones? Oui, tout à fait. Très bien. Est-ce que quand on vous parle justement que nous, notre langue est en danger, elle est sur le point de disparaître, et on se bat pour ça, est-ce que ça a des échos? Dans la culture française, est-ce que vous en entendez parler? Lorsque on parle du Québec, est-ce que c'est ça qui ressort le plus? Votre opinion là-dessus, j'aimerais vous entendre, s'il vous plaît. Oui, mais elle est en danger, mais en même temps, on a l'impression que vous avez une corde de plus à votre arc. C'est juste que nous aussi, on a envie de conserver notre identité de Français au milieu de l'Europe, mais pour s'intéresser aux autres, c'est un peu comme l'identité de comment on s'habille. On va garder son identité en s'habillant d'une certaine façon, mais on va quand même parler avec les autres de comment ils s'habillent aussi. Donc il faudrait juste pouvoir faire la distinction entre conserver son français et connaître la langue des autres. Et pour ça, on a l'impression que vous avez une identité forte, mais que vous avez une corde supplémentaire à votre arc parce que vous maîtrisez en plus l'anglais, alors que nous, non. OK, d'accord. Donc, c'est beaucoup plus vu comme un avantage que comme un... Ouais. Très bien. Est-ce que vous ressentez en France une détérioration de la langue française? Le fait d'utiliser ces mots anglophones, justement, parce que ça fait en vogue, est-ce qu'il n'y a pas une détérioration, justement, que nous, on déclare beaucoup au Québec? Oui, Mathilde? Alors, moi, c'est pas forcément les mots anglais qui me dérangent dans la détérioration de la langue française. C'est plus l'utilisation d'Internet, des raccourcis qu'on peut utiliser dans des chats... des fautes d'orthographe qu'on cumule dans les forums. On sait, les jeunes aujourd'hui ne savent plus écrire le français correctement. Et même les moins jeunes, hein, t'es pas si vieille, Mathilde. Même les moins jeunes. j'ai une forte inquiétude à ce propos-là parce que mon père était instituteur et m'a très fortement guidée dans ce chemin-là. Et même si, effectivement, moi-même, je fais des fautes d'orthographe et mon père me reprend régulièrement, quand je lis des choses sur Internet qui sont écrites n'importe comment, où j'arrive à peine à lire parce que c'est écrit phonétiquement, je suis accablée, vraiment accablée. Et ça, je pense pas que ce soit dû aux anglicismes qu'on peut avoir dans la langue française. C'est juste le côté rapide de l'Internet. Nicolas ? Oui, à ce propos, je voulais dire que depuis quelques semaines, le mot nénuphar ne s'écrit plus PH mais F. Et ça montre, justement, non, mon pater de l'Académie française, c'est un collègue qui m'a dit ça. Et je ne sais pas comment les gens en France sont au courant que ça ne s'écrit plus comme avant. C'est-à-dire qu'il y a des académiciens dans un coin, mais il n'y a pas de communiquer ou de choses sur la langue. Et je trouve ça rejoint aussi un peu une débilisation de la langue, où je crois qu'à une époque, il y avait beaucoup d'histoires là-dessus. C'est trop dur pour les enfants d'apprendre la langue française parce que c'est trop dur au niveau de l'orthographe. Donc oignon, ça s'écrira plus oignon, mais oignon, etc. Je sais pas si ça a été fait, oui. Mais il y a ce côté, genre, ouais, on va simplifier la langue parce que c'est trop compliqué. Je suis pas trop pour, par exemple. Ouais, c'est... Très bien. Je vous relance une dernière chose avant de terminer cette discussion sur le français. Vous avez dit tout à l'heure que, justement, Muriel soulevait le fait que l'utilisation des termes anglophones que l'on francise, c'est une langue qui s'adapte, c'est une langue qui évolue. Ce dont on est en train de parler depuis deux minutes, c'est pas justement un nouveau français. Ce n'est pas une langue, justement, qui tend à changer, à s'adapter. C'est la langue, une langue, c'est extrêmement vivant. Au lieu de la décrire, on ne devrait pas tout simplement se pencher et de dire c'est peut-être ça le nouveau français. Qu'en pensez-vous? La différence pour moi, c'est que ces nouveaux termes qu'on utilise en anglais, c'est des termes qui n'existaient pas avant. Le Wi-Fi, ça n'existait pas avant, ça n'existait pas il y a 10 ans. Le problème sur notre façon d'écrire le français sur Internet, c'est que des termes qui même peuvent avoir des siècles sont écrits phonétiquement parce que c'est plus simple, parce que c'est plus rapide, parce que j'ai envie de chatter avec mon petit copain et que j'ai pas envie de réfléchir à comment il faut que j'écrive le mot. Pour moi, ça devrait s'apprendre comme nous, on l'a appris, c'est-à-dire faire l'effort pendant un certain nombre d'années, puis après venir naturellement. Et ça, c'est sur des anciens termes, ça me dérange. Sur des nouveaux termes, ça ne me dérange pas qu'on puisse utiliser des termes anglophones parce que les termes n'existaient tout simplement pas avant. Donc, c'est l'évolution de la langue. Très bien. Ça fait consensus autour de la table, cette conclusion. Très bien. Merci beaucoup, mes chers amis. Alors, on va tout de suite y aller avec un bloc pub. Merci beaucoup de cette discussion sur la langue française. Après, au retour, on va faire un bloc rapide de politique française. Il s'est passé beaucoup de choses dans la dernière année. Dominique Strauss-Kahn, la montée de l'extrême droite, Marine Le Pen, tout ça. On va essayer de faire un bloc politique. Alors, préparez, affûtez les micros. Pour l'instant, on a fait un bloc québécois tout à l'heure. On va faire un bloc musical francophone, français plutôt directement. Ça va être I Am Jacques Higelin et Trio. C'est mieux que la j'ai toujours eu mes pieds au sol, jamais rampé. Pour une part de lumière, j'ai planté ces pensées dans mon jardin, le saphir et le satin. Personne ne les verra avant que la base et le plan soient lancés. J'ai toujours eu mes pieds au sol, jamais rampé. Pour une part de lumière, j'ai planté ces pensées dans mon jardin, le saphir et le satin. Personne ne les verra avant que la base et le plan soient lancés. J'ai choisi mon caractère, avoir pris des coups, sur la vie. Du coup, j'ai déclaré mon avis à tous les sourds. J'ai toujours eu mes pieds au sol, jamais rampé. Pour une barre de lumière, j'ai planté ces pensées dans mon jardin, le saphir et le satin. Personne ne les verra avant que la base et le plan soient lancés. J'ai toujours eu mes pieds au sol, jamais rampé. Pour une barre de lumière, j'ai planté ces pensées dans mon jardin, le saphir et le satin. Personne ne les verra avant que la base et le plan soient lancés. Sur ce fil en équilibre, entre tout et rien, la même J'ai toujours eu les pieds au sol, jamais rampé. Pour une part de lumière, j'ai planté ses pensées dans mon jardin, le saphirine, le satin. Personne ne les verra avant que la base et le plan soient lancés. J'ai toujours eu les pieds au sol, jamais rampé. Pour une part de lumière, j'ai planté ses pensées dans mon jardin, le saphirine, le satin. Personne ne les verra avant que la base et le plan soient lancés. Marcher droit avec nos travers, marcher de travers. Mais dans nos droits, j'ai vu tout ce qui s'est passé. J'ai participé le 6 mai, j'ai voté. Le peuple apparaît, de la police bien équipée, des subventions bien diminuées, des millions de retraités qui continuent à bosser. J'ai vu tout ce qui s'est passé. mouvement sont en flamme, tous les quartiers, les sondages se mettent à grimper. Marchez droit, avec nos travers, marchez de travers, mettons nos droits, marchez droit, avec nos travers. J'ai vu tout ce qui s'est passé, le show médiatique pour un super président au Roland d'Amérique. On a du mal à distinguer le bon du pire, le faux du vrai, la nouvelle star du beau déchet, le morphalou du bon français. Mais la marche est terminée pour le roi du geste, le petit prince de Nîmes, des complexes, le président du fait divers, rêvant de briller la gardère, se fait monade quand t'as l'honnête et regardez sa majorette. Marchez droit avec nos travers. Marchez de travers, mettons nos droits, marchez droit, avec nos travers, marchez de travers, mettons nos droits. J'ai le droit d'aller, de reculer, j'ai même le droit de me planter, le droit de chercher mon chemin et celui de tendre la main. Avec papier, j'ai le droit de partir, j'ai le droit de venir, de ne pas souffrir, celui de mourir. Droit à l'avenir, le droit de vieillir, le droit de sourire, celui de rire. J'ai le droit d'y croire, d'avoir l'espoir, d'avoir mon propre regard. Marcher droit avec le travers, de marcher le travers dans mes droits. Je suis en vie sans souci, mais je continue à marcher. Gestion Placement Eterna présente en première nord-américaine, petite pièce pour chambre d'enfant, de la Bulgariane à Barisova et mise en scène par Jérémy Peter Allen. Un jeu de table inventé par des enfants, un rituel secret, des doutes et une jeunesse trop vite disparue. Au Studio P, du 10 au 20 novembre à 20h. Pour information, 418-563-6791 ou facebook.com/GOTVAN. En décembre, tout un programme à l'Ampli de Québec. Côté formation, stratégie et gestion d'un groupe underground avec François Deschamps et la formation française Tagada Jones. Composé et mixé avec Fruity Loops, avec Millimétrique. Côté festif, l'Ampli s'emballe avec les apéros REC dans le cadre de l'événement Relève en Capitale. En rafale, le foyer électrique le 1er décembre. Le champion de France de Human Beatbox, Beastie, le 3. Lancement d'album de Mélogramme, le 7. Et on slame avec Ivy pour l'émission L'Ampli rencontre à CKRL, le 8. Au final, une table ronde sur l'art de s'exporter, le 9 décembre. Les apéros REC à l'Ampli, c'est le rendez-vous pour les artistes, festivaliers et supporters de Relève en Capitale. Devenez membre de l'Ampli et rendez-vous sur amplidequebec.qc.ca 418-977-9764. L'Ampli de Québec remercie la Ville de Québec pour son soutien financier, le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale, de même que ses fiers partenaires, l'Hôtel Pur, Voire Québec et CKRL 89.1. Montcalm, Limoilou, Saint-Jean-Baptiste, l'ancienne Lorette. Les Duchesses 2.0 sont de retour pour une troisième année. Tu as toujours rêvé de porter un t-shirt de Nike Jason. Tu as toujours voulu devenir une Duchesse. C'est possible, n'attends plus. Duchesse, lise-toi. Nouveauté cette année, il y aura un Duchesse. Mesdames et messieurs, de 18 à 110 ans, rendez-vous à Revengeance Duchesse avec un S.com et remplissez le questionnaire pour devenir Duchesse. Date limite, 18 novembre. La Revengeance des Duchesses 2012, ce sera la fin du monde. Tu es vraiment infernal. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais au Théâtre de la Mordée, 315 rue Saint-Joseph-Est, À la librairie Pantoute Vieux-Québec, 1100 rue Saint-Jean et Saint-Roch 286 rue Saint-Joseph-Est et au centre de yoga de Québec, 1355 3e avenue Limoilou. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais. Ça peut être payé. Toujours à l'antenne de CKRL, l'émission La Fausse Patte édition du 16 novembre 2011. Spécial France-Québec aujourd'hui. Christian Saint-Pierre toujours aux commandes de l'émission, en compagnie de l'équipe d'improvisation La Liqueur de Bordeaux qui vient participer à un festival d'improvisation qui a lieu cette fin de semaine à Lévis du côté de Lucar. Ils seront en action samedi avant-midi, samedi après-midi ainsi que dimanche après-midi également. Et qui sait, peut-être iront-ils jusque dans les finales en fin de journée dimanche. Alors, chers amis, on a parlé dans un premier lieu de la perception du Québec en France. Ensuite, on a parlé de langue française. On a commenté tout le monde ensemble la sortie de Régis Labeaume en voyage à Paris présentement, qui décriait un peu l'anglicisation de la France et de la ville de Paris, à l'instar de la ville de Montréal également, dont on parle énormément au niveau de l'affichage surtout, et de la population. Le service qu'on reçoit à Montréal est souvent en anglais. On s'est prononcé là-dessus, du côté de nos amis français. Et là, chers amis, on va faire un petit peu dans ce dernier bloc de 30 minutes ensemble, on va parler de politique française. On reçoit beaucoup d'informations de notre côté ici. La France est un des pays, après les États-Unis, c'est le pays qu'on suit le plus au niveau de l'actualité au Québec. On va parler de DSK, on va parler de Sarkozy, évidemment. On va parler de ce phénomène. En fait, celui qui nous frappe le plus ici au Québec, ce qui ressort le plus, c'est la montée. Là, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, ça se perçoit, mais la montée de la droite française, de l'extrême droite française, on va en parler un tout petit peu là-dessus. Dans un premier temps, parlons des DSK, Dominique Strauss-Kahn, c'est toute une histoire qui a fait tout un battage médiatique, qui a été arrêté pour agression sexuelle à New York cet été. Il était considéré comme le grand sauveur de la gauche française qui se cherche un champion afin d'affronter Nicolas Sarkozy en élection. Mes amis, qui a quelque chose à dire là-dessus? Alors, Nicolas, est-ce que tu veux prendre la parole là-dessus tout d'abord? Oui. Ce qui a été étrange là, c'était dans les journaux les critiques envers les institutions, les médias américains qui avaient l'air de se déchaîner contre Strauss-Kahn dans la façon dont il le montrait, il l'humiliait. Après, je pense que c'est parce qu'en France, on n'a pas le même rapport aux médias un peu au sensationnel comme ça, mais je me dis que déjà si cette personne avait été une personne inconnue, il aurait été traité de la même façon, sauf qu'on n'aurait pas regardé les informations, donc on n'aurait pas vu qu'il était traité comme ça. Et puis, deuxièmement, personnellement, moi, je me suis un peu régalé de voir ça, parce que j'estime que les politiciens français, les élites politiciennes françaises, c'est un peu les représentants des citoyens, donc c'est les premiers citoyens. Et de ce fait, ils doivent être un peu des modèles, ils doivent être traités comme le citoyen moyen, quoi. Et là, à ce niveau-là, c'était assez bon. OK. Est-ce que vous considérez que Strauss-Kahn a été traité injustement par les médias américains? Et les autorités américaines aussi, la police et tout? Non, à aucun moment. Enfin, a priori, mais même si, effectivement, ils ont peut-être été un peu rapides, puisque le dénouement, finalement, et qui se retrouve libre, du moins au niveau pénal, hein, c'est ça, parce que si c'est au civil, il risque toujours d'être poursuivi. Mais il a pu revenir. Donc je pense qu'il y a peut-être eu quelque chose qui s'est un peu trop accéléré pour que ce soit pas jugé de la meilleure des manières et qu'effectivement on puisse quand même trouver un moyen, parce que apparemment ce type a l'air d'être quand même relativement coupable de choses compliquées, là. Enfin pas très respectable, du moins pour la femme avec qui il était dans cette chambre d'hôtel. Donc non, moi je pense qu'à mon avis c'était un peu rapide, un peu trop hâtif pour que finalement il soit libéré. Donc voilà. OK. Maintenant, là, on en parlait ici, il était présenté comme... Puis sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup d'amis en France et tout ça. Là, on disait, ça regarde bien pour Strauss-Kahn. Il était vraiment perçu comme celui qui allait peut-être offrir un gouvernement de gauche à la France, le tout premier depuis Mitterrand en 80. C'est bien ça? Est-ce que c'était vraiment comme ça qu'il était perçu? Ou c'est nous qui avons fait tout un plat de tout ça? Là? Non, il était perçu comme ça, mais c'est parce qu'il faisait consensus, parce que voilà, c'est un type qui était responsable du FMI, donc même au niveau de la droite, les personnes imaginées comme compétentes pour gérer une économie libérale, mais avec une espèce de vision un peu de gauche, un peu social-démocrate, et ça c'est... Mais pour dire la vérité, je pense que honnêtement, il y en a quand même, on n'était pas dupes... Et que de toute façon, c'était pas vraiment le type, c'était pas le Messie non plus qui allait faire en sorte de sauver la France au milieu de l'Europe et l'Europe au milieu du monde. Donc, et aujourd'hui, de toute façon, François Hollande qui est sorti des primaires socialistes et qui représente les socialistes aujourd'hui, finalement, je pense que c'est dans les candidats celui qui se rapprochait le plus dans ses idées des idées de Strauss-Kahn. Hein. Donc, on est quand même resté sur un client qui ressemble assez. Oui, qui est assez proche des idées de Strauss-Kahn. Hein. Est-ce que vous pensez que le duel se fera entre Sarkozy et François Hollande à la prochaine élection? Ou parce que quand il y a à peu près un an de ça, Sarkozy est descendu, c'est le président qui est descendu le plus bas dans les sondages avec le plus haut taux d'insatisfaction de toute l'histoire des présidents français. Est-ce que présentement c'est encore le cas en France ou le fait qu'il ait décidé de prendre un grand leadership européen avec Angela Merkel au niveau de la crise économique, entre autres de pousser presque Berlusconi à démissionner, est-ce que selon vous ça a changé la donne? Mais moi je pense que déjà à la base il y a un gros problème avec tout ce qui est sondage et traitement médiatique. Et du coup, c'est très difficile de faire la distinction entre vraiment l'opinion qu'on peut vraiment se faire de la cote de popularité d'un présidentiel comme ça, de ses actions, et puis ce que inconsciemment on croit parce qu'on l'entend tellement dans les sondages, dans les médias, etc. Quoi. Après, je pense que... Enfin, moi, je sais pas, les gens à qui je parle, oui, il est très très impopulaire, mais... De là à faire des prévisions, c'est trop compliqué, il y a trop de paramètres. On n'est pas sûr d'autant qu'on n'est pas sûr qu'il se présente vraiment, hein, parce qu'il a toujours pas annoncé officiellement. Je pense qu'il doit jauger un peu le truc. Et moi, je suis pas sûr qu'un type aussi arrogant puisse se lancer complètement avant qu'il y ait pas des chiffres justement quand même des sondages qui le rassure un peu, parce que c'est vrai qu'avec la gestion qu'il a eue au niveau international, je pense qu'il estime retrouver un peu de crédibilité, mais c'est pareil, là-dessus je crois qu'on n'est pas dupe. On voit très bien aussi que de toute façon ils font des traitements dans l'urgence, et que quoi qu'il arrive, les crises qui ont connu la crise notamment en Grèce et qui peut toucher rapidement l'Italie, l'Espagne, le Portugal, je pense que c'est des choses, même nous on parle de la France comme un pays qui peut être sensiblement en danger dans les prochains mois, voire les prochaines années. Et franchement, je crois qu'on n'est pas dupe par rapport à son incapacité à nous sortir de là, hein, honnêtement. Donc, et même politiquement, enfin, je veux dire, globalement, je ne crois pas qu'on ait une confiance très forte dans les politiques d'aujourd'hui et dans les hommes politiciens forts qui sont en tête aujourd'hui dans les partis. Je crois que notre génération de trentenaires, on n'a quand même pas super confiance en eux. Hein. Parce que ce qui est assez amusant à ce niveau-là, que ce soit côté Sarkozy ou Hollande, je me fais l'impression quand ils parlent, ils essaient de faire avancer les choses, mais ils prennent pas de recul, c'est-à-dire ils proposent des choses nouvelles, mais en continuant à penser à travers une façon de penser qui marche plus, quoi. On dirait qu'ils réfléchissent sur un vieux modèle, en fait, ils réalisent pas que ouais, ça peut plus marcher. Enfin, par exemple, Hollande, quand il dit, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais je vais créer 60 000 postes d'enseignants. Enfin, on a l'impression d'entendre nos parents parler, ils sortent des vieilles recettes d'il y a 30 ans, genre oui, la solution c'est de créer des postes de... Enfin, c'est... Ouais, on dirait qu'il est vraiment dans un schéma de pensée qui est complètement dépassé, quoi. OK, je vous relance là-dessus, vous me dites une vieille pensée, une vieille politique. C'est drôle parce qu'on tient aussi ce discours-là au Québec présentement, de faire de la politique autrement. C'est un terme qui est maintenant à la mode dans les médias. Et on parle aussi de redéfinir un modèle de vie, de gestion, etc., si je vous comprends bien. On a beaucoup entendu parler des mouvements en Europe, des manifestants de Madrid, entre autres, cet été. On parle de la Grèce, évidemment, l'Italie, ça bouge beaucoup, le Portugal. La France qui s'est dressée en leader européen avec l'Allemagne. Mais on n'a pas entendu parler, pourtant, de la France qui s'insurge contre ce modèle-là, comme on dénonce ici, par exemple, avec Occupons Québec, Occupy Wall Street. Je sais qu'il y a Occupons la Défense en France qui existe à Paris. Pourtant, la France est un pays qui s'insurge vite et rapidement, qui dénonce beaucoup, qui critique beaucoup, qui sort dans les rues. Mais on n'a pas beaucoup entendu parler de, du peuple français qui se soulève officiellement dans cette montée-là de ce mouvement politique-là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ignore de notre côté au Québec ou c'est vraiment quelque chose qui est très tertiaire en France présentement? Moi, j'ai l'impression que les Français, ils sont un peu pris à la gorge en ce moment. Et je pense qu'ils sont un peu dans un truc un peu sur eux-mêmes, quoi, si tu veux. Donc, avec, ils essayent un peu de sauver leur foyer, là. Et je les vois moins concernés par des problèmes de politique globale, internationale, même si c'est au niveau européen, hein, même si c'est relativement petit. J'ai l'impression quand même qu'on est assez sur nous parce qu'on sent que là, on va avoir chaud aux fesses et qu'il va falloir qu'on soit un peu vigilant, je pense, et qu'on se préserve. Chacun s'accroche à son boulot. On fait attention à ça et je pense que ouais, la contestation elle viendra si effectivement on remet encore en question peut-être notre système de santé ou le système de retraite, mais je pense que là-dessus on est un peu en danger, on est un peu fragile et je pense que c'est pour ça qu'on est on est encore loin de se mobiliser. Quand on sera vraiment en pleine crise et vraiment dans le caca, là je crois qu'il y aura peut-être des gens pour se mobiliser, mais comme en Grèce ou comme en Espagne, hein. mais je pense qu'effectivement ça pourra arriver. Là ça risquera d'être violent, et tous les problèmes sous-jacents de la société française qu'on néglige depuis des années, on va les reprendre, il va y avoir un vieux retour de bâton qui risque d'être assez dur, comme on a eu en 2005 des émeutes dans les banlieues ou des choses comme ça. C'est des trucs qui peuvent ressurgir sur rien, quoi. Je pense que c'est très fragile. Très bien. Donc, si je comprends bien, lorsqu'il se dresse en leader présentement pour sortir de la crise, l'Europe de la crise, est-ce que justement Sarkozy détourne pas l'attention, justement? Est-ce que la France n'aurait pas à faire ses propres devoirs dans un premier temps? Bah, complètement. Enfin, ce qui est assez marrant, c'est que je pense que les Français sont... Enfin, si c'est dans un but électoral, les Français se moquent un peu, je pense, de ce que la France fait pour l'étranger. Ils veulent déjà que les problèmes soient réglés chez eux. En plus, ça renvoie un peu un problème. Là, il y a Sarkozy, donc le jour, qui a fait une émission de télé qui passait sur la première chaîne, sur la deuxième chaîne, où il expliquait un peu voilà ce qui se passait à l'international, la crise, etc. Mais il y avait vraiment une sensation qu'il utilisait son rôle de président de tous les Français pour parler un peu en tant que futur candidat et membre de son parti, quoi. Donc c'est assez accablant, d'autant qu'il avait choisi lui-même les journalistes qui l'interviewaient. Enfin, donc, ouais, je pense que les Français sont pas dupes du tout là-dessus. D'accord. Écoutez, le temps file, chers amis. J'aimerais vous amener sur un autre dossier qui fera beaucoup notre imaginaire ici. Alexandre Jardin est sorti un livre à la toute fin de l'été, au début de l'automne, qui s'appelle « Ces gens très bien », qui parle justement du passé un peu caché que toutes les familles ont peut-être de collaboration avec le régime nazi lors de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, je ne vais pas vous sortir du garde-robe aujourd'hui, là, mais on parle ici, la télévision d'État ici a fait, Radio-Canada a fait une émission, l'émission enquête qui s'intitule « À l'extrême droite du père ». Et la présentation de l'émission va comme suit. « Dans plusieurs villes de France, des petits groupes rêvent de guerre civile et s'y préparent en secret. La crise économique et la peur de l'immigration contribuent à radicaliser une jeunesse en colère que les idéologues canalisent vers ses ennemis traditionnels de la France profonde que sont les démocrates, les juifs et les musulmans. Dernier né de cette tendance ultra-radicale, un groupe qui regroupe 150 nationalistes basés à Bordeaux. Officiellement, le groupe traditionnaliste catholique donne dans la bienfaisance et la dévotion, mais dans ses locaux, le discours prend une autre tournure. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Bah oui, nous, on avait eu... Il y avait eu quand même tout un battage sur justement un je sais pas si c'était un reportage ou un documentaire qui était sur un groupuscule extrémiste catholique intégriste, quoi, enfin qui était assez puissant sur Bordeaux apparemment. Mais c'est vrai qu'après aussi Bordeaux c'est une ville assez conservatrice et assez bourgeoise, donc oui effectivement. Et c'est vrai que de toute façon, quand tu commences à te sentir un peu en danger, toutes les communautés se regroupent sur elles-mêmes. Et c'est vrai que ça, c'est culturellement pas quelque chose dont on est issu, nous, dans notre éducation, quand on va à l'école, l'école pour tous, enfin voilà. Donc c'est vrai que nous, l'aspect religieux, tout ça, c'est un aspect privé, c'est des choses que, voilà, on met pas forcément en avant, mais là, on sent bien, mais à tout niveau, hein, que ce soit au niveau musulman, au niveau catholique, que de toute façon, il y a quand même un petit repli sur les communautés. Je pense que c'est parce que voilà, les gens se sentent un peu en danger et donc ont peur de l'autre et reprochent les dangers qui sentent venir aux étrangers du pays. Ouais, je pense qu'effectivement, il y a quand même un... Mais ça, c'est partout, hein, dans les pays européens, là, en ce moment. Il y a un retour quand même, oui, de l'extrême droite. Mais un petit peu l'extrême droite Canada Dry, comme on dit, quoi. Qui veut faire semblant de on n'est pas raciste, on n'est pas fasciste, tout va bien, on veut juste faire avancer le pays. Nous, on a compris vos problèmes, mais dont on sait bien qu'au fond, ce sont des gens dangereux. Ouais, et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que l'extrême droite actuelle de l'étranger, par exemple, le jour des États-Unis, sont vus comme une droite extrême, mais un peu cool, et qui a laissé tomber ses penchants racistes. Alors qu'en fait, je sais pas d'où sort cette idée, mais pas du tout. Très bien. Écoute, Jérémy, t'as parlé d'extrême droite Canada Dry. Tu vraiment dit ça? Non, Canada Dry, c'est une boisson gazeuse. Je sais pas si vous l'avez. Non, il y en a pas au Québec? Oui, bien sûr, c'est du ginger ale. On dit ça parce que on dirait de la bière. C'est ça. C'est ça, hein. ça ressemble à de la bière. Ça a des bulles comme la bière. Ça a la couleur de la bière, mais c'est pas de la bière. Okay, c'est du faux, quoi. Non, mais c'est pour ça que je dis c'est l'extrême droite Canada Dry. D'accord, très bien. En fait, il fait humide au Canada quand même. Parce qu'on sait parler anglais aussi. Parce que Canada. Bon, très bien. Alors, on va faire écouter, on va revenir sur un sujet qu'on a abordé dès le départ. Notre maire est vraiment pro-Bordeaux, n'est-ce pas? Est-ce que si je vous dis Régis Labeaume, vous en avez entendu parler? Non. Non. Ça vous dit rien du tout? Non. Non. Est-ce que vous savez que Alain Juppé, votre maire, qui a été eu des problèmes avec le fisc et la justice française, je pense, est venu enseigner ici à Québec à l'École nationale d'administration publique pendant 2 ans, si ma mémoire est bonne. Il a tenu une chaire ici. Et là, il est devenu un des grands amis de notre maire. Notre maire veut faire une foire au vin à Québec maintenant. Il veut installer un miroir d'eau sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Et surtout, il désire installer un tramway. Dites-moi donc, ça a changé quoi dans la ville de Bordeaux, le retour du tram? Moi, qui suis pas bordelais d'origine, qui ai connu Bordeaux quand même un petit peu avant qu'il y ait le tramway, c'est vrai que ça a rendu la ville un peu plus jolie, mais et puis plus pratique aussi pour se déplacer. Je pense que, enfin, en tout cas, du moins, nous, on a l'impression que ça fait défaut aussi au Québec, les transports en commun, faciles d'accès, bon marché. Enfin, j'ai l'impression que c'est, en tout cas, pour nous, c'est vrai que c'est pratique au quotidien, clairement. Et puis, du fait qu'il n'y ait pas les câbles, si tu veux, parce que l'intérêt aussi de ce tramway, la nouveauté qui a été reprise dans d'autres villes, c'est qu'il n'y avait pas les câbles sur le dessus, mais qui étaient alimentés par le sol. Donc, du coup, même ça dénaturait pas le centre historique de Bordeaux, puisque tu avais le tram qui passait là, plus de voitures. Donc, ils ont pu refaire les façades qui étaient noires de pollution, tout ça, sur une pierre assez poreuse à Bordeaux. Là, c'est, voilà, ça retrouve un cachet qui fait d'elle une belle ville, mais qui fait aussi d'elle une ville très touristique et qui perd encore plus, j'ai l'impression, enfin, moi qui ne suis pas de Bordeaux, encore une fois, qui perd un peu d'authenticité et de... Voilà, on sent une ville qui est en train de se lisser un peu. Mais le tramway en lui-même, je pense que c'est une très bonne chose. Ouais, c'est très pratique. Et c'est une ville, pour y avoir habité quelques mois, c'est une ville vraiment qui se débarrasse beaucoup des voitures au centre-ville. Ça a été nettoyé. On me raconte qu'il y a une revitalisation complète qui a été faite. C'est la même chose pour Québec présentement. Ce sera peut-être, nous, le nec plus ultra, la cerise sur le gâteau pour ce renouveau de notre ville. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours, chers auditeurs, à l'écoute de La Fausse Patte sur CKRL 89.1. Ça termine notre entretien avec notre équipe, nos visiteurs de Bordeaux. Alors Mathilde, Yann, Nicolas, Muriel, Jérémy et Catel, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Et alors ce soir, si on veut vous voir jouer, vous faut voir un vrai sur scène, parce que en plus d'être des citoyens avertis, intelligents et articulés, vous êtes aussi des comédiens, des improvisateurs. Et ce soir, on peut vous voir du côté de la Nîmes-Cassis du Faubourg avec La Vie, la vitrine d'impro éclatée. Et ce week-end, du côté de l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski pour ce tournoi Le Paradoxe. Et voilà, vous demeurez un petit peu plus longtemps au Québec. Vous faites quoi à part de l'impro là, présentement là? Vous allez faire un peu de tourisme. Qu'est-ce que vous avez envie de faire là? On est allé chez Benjo essayer de jouer cet après-midi et c'était top. Ils sont aussi allés à l'entrepôt du hockey, question. C'est vrai. Voilà, c'est. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Bon retour chez vous par la suite. Bonne fin de voyage. Évidemment, nous, on va revenir après la pause. Habituellement, Occupons Québec vient toujours faire son petit tour sur nos ondes à chaque semaine pour un bilan hebdomadaire. C'est ce qui est prévu pour l'instant. Donc, on va continuer. Nous, on va embarquer tout de suite avec un bloc musical pour accompagner le départ de nos amis français. On va y aller avec mon bon ami, un habitué de notre émission, Renaud avec l'Hexagone, The Lost Fingers, qui reprennent une chanson française, On va s'aimer, de Gilbert Montagnier, version Gypsy. Et on va finir ça avec un invité qui sera au sacrilège après avec Tania Beaumont et Yann Perrault, Le bruit des bottes. Mais pour l'instant, pour commencer, c'est Renaud, l'Hexagone. Au mois de janvier, car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des procures. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. C'est un pays de flics, à tous les coins de rue y'en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Il crie, il pleure et il s'indigne de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. C'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierai pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil. Printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du 16e siècle et les vieilles traditions des villes, ils les appliquent tous à la lettre. Souviens-toi au mois de mai d'incendie couleur rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, sans mal en voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie, ils pensent aux braves soldats ricains qui sont venus se faire tuer loin de chez lui. Thank you. Elles sont là 10 millions qui n'attendent qu'un rêve. Elles sont là des millions qui n'attendent qu'à raisonner. Reste qu'à trouver les pieds qui voudront les chausser. Pour le prochain tirage du Loto 649, le gros lot est évalué à 30 millions. 30 millions, ça change pas le monde. Sauf que... Au moment où on se parle, que ce soit sur la scène politique ou sur la scène économique, dans le monde du sport, au cœur de la communauté artistique, ou encore à l'international, tout autour de nous, les nouvelles font couler beaucoup d'encre. Le rôle de mon journal? Faire le tri parmi tout ce battage médiatique pour vous offrir un contenu culturel de qualité et une analyse pertinente de l'actualité. Pour y voir plus clair, je choisis Le Devoir. Le gala de CKRL est de retour pour une quatrième année et c'est maintenant le temps de voter. Comment peut-on l'expliquer? Votre participation compte pour 50% du résultat. Rendez-vous sur le site de CKRL et faites-nous connaître vos émissions favorites. Un monde en apparence inaccessible. Les gagnants seront dévoilés le 25 novembre prochain. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez jusqu'au 20 novembre pour voter. CKRL.qc.ca. Parce que c'est maintenant à votre tour de vous faire entendre. Mon intelligence se révolte. Montcalm, Limoilou, Saint-Jean-Baptiste, l'ancienne Lorraine. Les Duchesses 2.0 sont de retour pour une troisième année. Tu as toujours rêvé de porter un futur de l'Angélique. Tu as toujours voulu devenir Duchesse. C'est possible, n'attends plus. Duchesse, lise-toi. Nouveauté cette année, il y aura un Duchesse. Mesdames et messieurs, je suis sur la novembre. La revendance des Duchesses 2012, ce sera la fin du monde. Tu es vraiment infernal. Press the button again. Influencé par les courants musicaux et les grands bouleversements américains et britanniques des années 60 à aujourd'hui, c'est l'opineur du chef. Les jeudis soirs, 20h, Denis Barry. 33, 41, 18. Press the button again. Influencé par les courants musicaux et les grands bouleversements américains et britanniques des années 60 à aujourd'hui, c'est l'opineur du chef. Les jeudis soirs, 20h, Denis Barry. 33, 41, 18. Press the button again. Influencé par les courants musicaux et les grands bouleversements américains et britanniques des années 60 à aujourd'hui. Un cadavre exquis musical. Voilà ce qui est né de l'union des tontons flingueurs et de l'homme scalp. Les tontons scalpeurs avec Jean-Philippe Boisbriand, Claude Brindamour et Michel Marcoux. Mercredi, 20h30. Seulement au 89.1. CKRL 89.1. Chers amis auditeurs fidèles de CKRL, toujours la fausse patte en onde, Christian Saint-Pierre aux commandes, 17h06 en ce 16 novembre 2011. Écoutez, on vient de passer une belle heure et demie en compagnie de six compagnons qui viennent directement de la France, Bordeaux. Bordeaux qui, je vous rappelle, est la ville jumelle de Québec, jumelage qui prévaut depuis les années 80. Donc, et nos deux maires qui sont maintenant de grands amis, de grands complices de toujours. Donc, on a parlé de politique française, politique étrangère. On a parlé aussi de la montée de l'extrême droite en France qui a frappé notre imaginaire ici au Québec depuis les dernières années. Bon, depuis le passage au deuxième tour des présidentielles de 2002 de Jean-Marie Le Pen, chef de l'extrême droite du côté de la France. Ben écoutez, mesdames et messieurs, on devait avoir ici un compte-rendu avec nos amis de Occupons Québec. Malheureusement, notre correspondant a été retenu pour des raisons personnelles. On va quand même vous tenir à jour au niveau, on va faire une petite revue de presse plutôt, excusez-moi, en ce qui concerne ce dossier. Eh ben les choses ont énormément changé la semaine dernière, il y a une dizaine de jours à peu près, Occupy Halifax ont été évincés de leur lieu d'occupation. À Wall Street, ça a énormément bougé également, donc la police, ça fait la manchette de journaux et à la télévision. Il y a plusieurs photos chocs, ben en fait chocs qui ont paru dans les journaux. Donc ici, toujours dans le soleil d'aujourd'hui, la page 2 de Duquet Actualité, ben on parle d'un dur coup pour les indignés en parlant de ceux de Wall Street, justement, les New-Yorkais qui ont été évincés. C'est toujours le calme plat du côté de Montréal. On sait que ça a brassé également beaucoup dans les villes comme Seattle, Vancouver aussi. à Oakland, particulièrement en Californie, il y a eu des affrontements. Il y a un ancien Marines qui a été grièvement blessé par les policiers. Au niveau de la ville de Québec, eh ben, à Montréal, c'est tranquille. Les choses avancent bien. On entend presque, bon, on entend parler, mais en fait, tout semble vouloir bien se passer entre les autorités de la ville ainsi que les indignés. Bon, évidemment, on parle, on menace un peu aussi d'éviction. On négocie beaucoup entre la mairie et Occupons Montréal pour peut-être occuper d'autres lieux que le Square Victoria, maintenant appelé la Place des Peuples, ici à Québec, mais ça se passe autrement. On va refaire un bref résumé du mouvement jusqu'à maintenant. Ici même, à la Fosse, Pat, on a reçu, excusez-moi, à la mi-octobre, l'émission du 12, M. Éric Robertson, qui lançait le mouvement, justement, Occupons Montréal, une première manifestation qui a eu lieu au Square Victoria. Ici, à Québec, ça a eu lieu également, la première occupation a eu lieu, si ma mémoire est bonne aussi, la première manifestation plutôt a eu lieu le 12 octobre au Carré Diauville. Ensuite, les indignés, le mouvement des 99%, a décidé de bouger, d'occuper également un parc plutôt que de manifester. Alors, ils sont descendus à la place de l'Université du Québec, c'est dans le quartier Saint-Roch, tout près du parc Saint-Roch, à côté de l'ENAP. Et là, les tentes sont plantées à cet endroit depuis le début. Au départ, moi, après une dizaine de jours, je suis passé faire un petit tour, voir qu'est-ce qu'il en était, discuter avec eux. Et là, la collaboration avec les autorités de la ville se passait extrêmement bien, avec les policiers, les pompiers et même les représentants du maire. Eh bien, il a fallu un incident une nuit, c'est-à-dire un début d'incendie qui s'est déclaré dans une tente accidentelle, pour que tout ça s'emballe. Les médias radiophoniques de masse se sont portés en accusation face à ce mouvement qui les laissait plus ou moins froid depuis le début. Et là, on est parti sur une campagne vraiment de démolition. Et là, tout d'un coup, l'opinion de notre maire Régis Labeaume a changé. On a commencé à vouloir dire que c'était pas sécuritaire. On a envoyé les policiers pour inspecter et tout. Et là, tout le camp a été démantelé. À partir de ce moment-là, à partir de cette date, a débuté une espèce de siège médiéval face aux insurgés, face aux indignés. À chaque jour, les autorités policières, les pompiers débarquent et trouvent une nouvelle façon de critiquer le campement. Et ce qui est intéressant en ce qui me concerne, si vous voulez mon avis du côté des indignés, c'est que justement, à chaque fois, on arrive à trouver des solutions afin de sécuriser le camp, de pouvoir rester présent, de rentrer dans les normes. On reçoit les policiers avec grand calme et grande courtoisie. Tout est fait dans les normes, on veut collaborer. Et on a même demandé à rencontrer le maire, chose qui n'a pas encore été faite du côté de la mairie de Québec. Régis Labeaume n'est jamais descendu de l'hôtel de ville jusque dans Saint-Roch pour rendre visite à ces gens qui réclament pourtant que la démocratie s'occupe d'eux, qu'on les écoute. On s'est rendu la semaine dernière, on a reçu Alexandre, voilà, qui faisait partie de ces indignés qui sont montés jusqu'à l'hôtel de ville, au conseil de ville, et qui ont été reçus par le maire, et aussi par une forte délégation policière. On les attendait de pied ferme, apparemment, question de faire régner l'ordre et un peu l'autorité de la mairie. Et voilà, Régis Labeaume n'a jamais accepter encore de rencontrer de façon personnelle et de trouver un terrain d'entente avec les indignés pour pouvoir continuer les manifestations, pour continuer l'occupation. Est-ce que ça va bouger? C'est une bonne question. La guerre d'usure se poursuit. Aux dernières nouvelles, lorsque je suis passé à côté du camp cet après-midi, il y avait encore des tentes. La fameuse tente qu'on dit de prospecteur, qui est un peu le symbole de cette résistance, est toujours debout. Et ils ont gagné, soit dit en passant, un allié à l'hôtel de ville. C'est M. Yvon Bussière, le conseiller indépendant, le conseiller de Saint-Sacrement. Ils sont deux, Anne Guérette également, qui est du Vieux-Québec. Ils sont les deux à ne pas être de l'équipe Labeaume, qui se dit très... M. Bussière, lui, offre une main tendue justement aux indignés, question de faire équipe, afin de pouvoir justement essayer de convaincre le maire. Est-ce que vraiment des gestes significatifs vont être posés de la part de M. Bussière? Est-ce qu'il va vraiment prendre position officiellement? On voit une belle photo, encore une fois, dans le cahier, la page 8 du cahier Actualité. Il pose devant une pancarte fait main, Occupons Québec. Est-ce que vraiment il posera des gestes? Il va s'associer au groupe pour pouvoir faire des pressions sur le maire? Ou on s'en sert comme opportunisme politique? Ça reste à voir. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle que quelqu'un à l'intérieur de l'hôtel de ville décide de prendre position en faveur des indignés. C'est déjà un pas de plus, c'est mieux que le silence. On se rappelle aussi que tout... j'aurais aimé savoir, par exemple, quels sont les intervenants politiques qui sont venus rendre visite au campement des indignés. question de les écouter, de voir ce qu'il y en était. Et on a dit qu'Agnès Maltais est passé, mais que le seul qui a passé vraiment beaucoup de temps à discuter avec les gens, c'est Amir Kadir, encore une fois. Le fameux Amir Kadir qui fait office de résistant gaulois à l'Assemblée nationale. Donc voilà, tout ça se poursuit. Tâchons de voir qu'est-ce que ça va donner. Et parlant des indignés, je vous fais une annonce officielle que on est en pourparlers présentement avec la station ici pour que vendredi, sur les coups de 15h30, il y a une émission spéciale dédiée aux indignés, alors au mouvement des 99%, parce qu'ils soutiennent que présentement 99% de la population mondiale paie pour les frasques économiques qui ont été faites par 1%. Donc la richesse qui est détenue par 1% de la population, une trop grande proportion de la richesse mondiale est détenue par 1% de la population. Et c'est ce qu'ils dénoncent. L'écart entre les riches et les pauvres ne cesse de s'accroître, et c'est ça qu'on veut dénoncer. On veut créer un mouvement question de mettre un frein à tout ça et de relancer de façon beaucoup plus significative le débat politique à ce niveau. Autre chose dans l'actualité de Québec qui est importante à retenir, c'est ce fameux débat sur le nombre de sièges à l'Hôtel de Ville. On parlait justement de notre bon maire Régis Labeaume qui est présentement, on en a parlé beaucoup d'ailleurs aujourd'hui. Lorsqu'il est en voyage en France présentement et son nouveau cheval de bataille, c'est la francisation de la France, presque en fait, c'est l'anglicisation de la France, surtout de Paris, il dénonce l'utilisation de l'anglais. On a entendu nos amis Bordelais tout à l'heure qu'au contraire, c'est plus une mode, c'est plus du marketing en fait qu'on veut faire, qu'eux ne se sentent pas du tout en danger et qu'au contraire, ils envient le Québec de notre bilinguisme puisque c'est une force que nous avons et eux, ils voudraient avoir la même chose. C'est un excellent point de vue particulier qui fait changement, en fait. Ça porte à réflexion au niveau du Québec. Oui, se battre pour sa langue, mais est-ce que ça veut dire non plus, est-ce que ça veut dire aussi renier complètement l'anglais? Je pense que il y aurait des questions à se poser à ce niveau-là, surtout au niveau peut-être des nationalistes québécois. J'aimerais beaucoup les entendre là-dessus à ce niveau. Est-ce que vraiment défendre sa langue française, c'est aussi renier l'anglais, tout simplement? Donc, ce serait peut-être intéressant de voir ça avec eux. Donc voilà, mesdames et messieurs, on va poursuivre, nous ensemble, dans un bloc musical. On a fait France-Québec depuis le début. On revient avec une petite chanson qui va nous aider à combattre l'automne. Il s'agit de notre ami Daniel Bélanger. Et le titre de la chanson, c'est « Le soleil est sorti ». serre ton parapluie. On jette aux poubelles toutes nos vieilles affaires. On fait-tu le ménage? On se fait-tu clair? Dernier bloc musical de cette édition du 16 novembre de La Fausse Patte. On a entendu d'abord Daniel Boucher, on a fini ça avec Martin Léon. Donc ça avance à grands pas, plus que 5 minutes, en fait c'est presque terminé pour moi. Je vous annonce, écoutez, c'est le grand gala de CKRL qui aura lieu à la fin du mois. On a entendu une pub là-dessus un peu plus tôt dans l'émission. Eh bien, on vous invite, si vous êtes des habitués de La Fausse Patte, en fait, on vous invite tout simplement à voter pour quiconque, si vous êtes des auditeurs assidus, voilà, de CKRL, eh bien, votre vote compte pour 50%. Choisissez votre émission favorite, votez pour les différentes catégories, c'est sur ckrl.qc.ca. Voilà, il y a un onglet, il y a un lien directement sur la page d'accueil du site. Donc à ce moment-là, vous pouvez choisir, faire valoir votre choix, entendre votre voix, et puis ben, les résultats de ce gala-là vous seront dévoilés en temps et lieu. Je crois que c'est le 25 novembre, si ma mémoire est bonne. Donc ben voilà, on vous invite à participer, voilà, en grand nombre à ce gala annuel. Et puis, ben, si jamais c'est la fausse patte qui vous plaît, on vous invite à nous donner un petit vote pour nous encourager. Donc, mais de toute façon, juste être à l'écoute présentement avec nous, c'est déjà énorme, chers auditeurs. On est également sur Facebook présent. On a un groupe de discussion, puisque la fausse patte, ça a été d'abord et avant tout un groupe de discussion Facebook qui est né après l'élection du Parti conservateur le 2 mai dernier. Donc, vous nous retrouvez, vous tapez la fausse patte, vous vous demandez à joindre le groupe et vous y trouverez sur cette page toutes sortes d'articles. Les gens se font un devoir de poster des vidéos également, des liens de différents sites. Donc, c'est une source d'information qui va dans la ligne de notre discours ici, un discours plus progressiste, positif et disons-le, de gauche. On a aussi une page Facebook, donc vous cliquez sur « J'aime » également et vous serez donc à l'affût de toutes les informations qui passent à travers notre émission. Donc, ben voilà. Alors, chers amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Soyez des nôtres la semaine prochaine. Notre amie Catherine Dorion sera de retour également. Et puis, ben, ensuite, c'est en direct du Sacrilège avec notre amie Tania Beaumont. Bonne fin de journée à tous et à une prochaine fois. Pour le prochain tirage du Loto 649, le gros lot est évalué à 30 millions. 30 millions, ça change pas le monde. Sauf que... Dépanneur unique, la Duchesse d'Aiguillon se démarque grâce à son histoire et son ambiance, mais surtout parce qu'elle offre la plus grande sélection de bières au centre-ville de Québec. La Duchesse d'Aiguillon nous invite à découvrir les nouveaux produits d'ici et d'ailleurs dans le cadre de la chronique bière à l'émission du matin de CKRL, Le Continental. L'ultime rendez-vous des amateurs de houblon. Dépanneur La Duchesse d'Aiguillon, 601 rue d'Aiguillon, coin Sainte-Marie. 88-647-2972. Visitez notre page Facebook. Tous les jours de la semaine.